Exercice D, auto-analyse. Pourquoi ces dialogues sont-ils importants? Ce dialogue a été choisi puisque c'est un extrait clé de l'œuvre Le Misanthrope. Cet extrait contient un message très important par rapport à l'œuvre entière. Il s'agit du moment où deux personnages principaux discutent un des points essentiels de toute l'œuvre. S'il faut toujours s'exprimer de manière pertinente ou plutôt indirecte. Ce dialogue nous montre qu'Alceste se rend tout à fait compte du fait qu'il s'isole de la société à la cour, pourtant il est exclu pour lui de changer son comportement dont il est tellement convaincu. La fameuse formulation « et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense doit faire en ce pays fort peu de résidence » montre clairement son point de vue et fonctionne en plus comme prolepse car c'est exactement ce qui va se passer à la fin de l'histoire. La manière dont nous avons adapté le dialogue entre Alceste et Arsinoé vise à souligner la différence entre le style d'expression d'Alceste et d'Arsinoé. Nous voulions mettre en évidence la brièveté de la parole d'Alceste en opposition du style d'Arsinoé. C'est pour cela que nous n'avions que reformulé les paroles d'Alceste. Le narrateur a une fonction éclairante.